Songs of Solomon, Cantique. Chapter 8. Cantique de Cantique, chapitre 8. Verse 8. We have a little sister. Nous avons une petite sœur. And she has no breasts. Qui n'a point encore de mamelle. What shall we do for our sister in the day when she shall be spoken for? Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? If she be a wall, si elle est un mur, we will build upon her a palace of silver. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. If she be a door, we will enclose her with boards of cedar. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. I am a wall. Je suis un mur. I am a wall. Je suis un mur. And my breasts like towers. Et mes seins sont comme des tours. Then was I in his eyes as one that had found favor. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Our little sisters in Mission Internationale Jésus Kikeri will be walls. Nos petites sœurs dans la Mission Internationale Jésus Kikeri seront les murs. We have a little sister. Nous avons une petite sœur. She must be a wall. Elle doit être un mur. Something you cannot just enter. Quelque chose que tu ne peux pas pénétrer facilement. Some of us, too many have entered in and out, in and out, in and out. Beaucoup de nous, beaucoup de hommes ont rentré, sorti, rentré, sorti, entré, sorti. Hey! In and out, in and out, in and out. Il sort, il sort. A new visitor. Tout le temps, un nouveau visiteur. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Are you a Lotto kiosk? Est-ce que tu es un kiosque de la loterie ou quoi? We have a little sister. Nous avons une petite sœur. And our sister is a wall. Et notre sœur est un mur. And she has found favor because she is a wall. Elle a trouvé la faveur parce qu'elle est un mur. It says, I am a wall, my breast like towers. Then I was in his eyes one that found favor. Elle dit, je suis un mur, mes seins sont comme des tours et j'ai dans ses yeux trouvé la faveur. Amen. Amen. Sisters, amen. Ah. All right. D'accord. Glory to God. Gloire à Dieu. You guys are doing a great job. Vous avez fait un grand boulot. He restoreth my soul. Il restaure mon âme. He leads me in the paths of righteousness. Il dirige dans les sentiers de la justice. When you follow Jesus, quand tu suis Jésus, you'll be blessed. Tu seras béni. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Wow. You see, you'll be passing by. Here's snake on the right. Here's snake on the left. Here's this trouble on the left. She's on the right. You are moving through. Tu seras en train de marcher. Tu seras en train de marcher. Il va te Why? Dire, il y a un serpent ici. Because Pourquoi? You see, in the presence of my enemies. Dans la présence de tes ennemis. As long as you live here on earth, there will be devils everywhere. Aussi longtemps que tu dures sur cette terre, il y aura des diables partout. And most of them are there before you came. Et beaucoup de ces diables étaient là avant que tu ne viennes. And that's why he said, the Lord is my shepherd. He prepares a table before me, not far away from my enemies, but in the presence. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, il dresse une table devant moi, dans la présence de mes ennemis, pas loin de mes ennemis. Au milieu. In the presence of them. Au milieu de mes adversaires. Most of us sack all our enemies when we are going to eat. Beaucoup chassent tous les adversaires avant de manger. But there are so many evil spirits on earth. Il y a plein de mauvais esprits sur la terre, beaucoup. It is not possible to go far. C'est pas possible de t'éloigner d'eux. From them. D'eux. And then also their presence. Et aussi leur présence. In a certain way does not affect you in a certain way. The fact that they are present. Leur présence dans une manière ne t'affecte pas dans une certaine manière. Because parce que physical distance is the effect of physical distance is different in the spirit. Parce que l'effet de la distance physique est différent dans l'esprit. You see, the madman of Gadara had 6,726 demons. A legion is made of 6,100 and then of footmen and 726 horses. L'homme fou de Gadara avait 6,726 démons. Ça veut dire il y a 6,100 démons avec le 626 chevaux qui part avec eux. And all these were in one man. Et tous ces étaient dans un seul homme. So you have to ask yourself, like, the physical distance from the man, how do they fit in? Donc, tu vas te demander de manière physique, comment est-ce que eux tous ils ont trouvé espace dans l'homme? So the dimensions are not as you are imagining. Donc, les dimensions ne sont pas comme vous pensez. And in spite of that, the man was able to worship Jesus. When he saw Jesus, he ran and worshiped Jesus. Malgré tout ça, là, l'homme a pu adorer Jésus. Quand il a vu Jésus, il s'est prosterné devant Jésus pour l'adorer. So people are able to come to church to worship with a lot of demons in them. Les gens viennent à l'église pour adorer avec beaucoup de démons en eux. So you may be sitting by somebody with a lot of demons in your person. Tu peux être assis à côté de quelqu'un qui est plein avec beaucoup de démons. And so the effect of the physical distance is not physical distance is not the same as spiritual distance. Non, l'effet de la distance and the physique effect is also not the same. Les deux ne sont pas même et les effets aussi ne sont pas la même spirituel physique. Look, distance. Most of us cannot operate if something is even present. Beaucoup d'entre if somebody is present in the room, you cannot do certain things. Beaucoup d'entre nous, tu ne peux pas faire certaines choses quand quelqu'un est présent dans ta chambre, dans ta pièce. But that is not the case with spiritual things. Mais ce n'est pas dans le cas pour les choses spirituelles. You function most of your activities. There are demons around. And you still function, but you are not aware. Tu vas fonctionner très bien. Beaucoup de choses nous faisons. Il y a des présents des démons autour de nous, mais nous ne sommes pas au courant. I'll prove it to you from the Bible. Je vais vous éprouver ça dans la Bible. Paul. He said, 2 Corinthians, he said, there was given to me, this anointed apostle, a messenger of Satan. Un messager de Satan. To buffet me. Pour me bastonner. And I sought the Lord 3 times. J'ai vu l'Éternel 3 fois. And the Lord said no. Le Seigneur m'a dit non. So all through his life, à travers sa vie, there was an evil spirit. Il y avait un mauvais esprit present. Qui était présent. Doing something. Qui faisait quelque chose. He has to function. Il devait fonctionner in the presence of that enemy. Dans la présence de cette chose méchante. Yes. Oui. Because the effect of the presence of that thing is not as it is in the physical. L'effet de la présence de cette chose n'est pas comme il était dans le physique. And the distance is not the same because 6,000 spirits in one man, about 6,800 spirits in one. But 6,000 is, I mean, 6,000 is the Great Hall even cannot take 6,000, like the whole car park full. Vous voyez, quand on parle de 6,000, nous sommes en train de parler de parking de dehors, with chariots and horses. Avec des chars, des chevaux, un homme, un seul homme. 6,000 et quelques. And then Jesus with Peter. Jésus avec Pierre. He appointed him. The next moment, Satan was using him. Il avait nommé and Jesus Pierre. Says, Satan, get this. So, like Jesus was here and Satan was in Peter, and they were together. Donc, and the next moment, it was Peter was being used by Satan. So it's not as the distance you may think that if you are a Christian, Satan is now in India. Vous allez penser quand tu es chrétien, Satan s'éloigne de toi jusqu'à l'Inde et puis toi tu es ici. Mais ce n'est pas comme ça parce que quand Jésus était avec Pierre, Satan aussi marchait avec eux ensemble. Il est rentré en Pierre à un moment donné et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Donc Satan est autour de lui. Dans la vie chrétienne. Wow. Wow. So, he said, il a dit, thou preparest a table for me in the presence. Tu dresses une table devant of moi my enemies. Au milieu de mes adversaires. And you would have said that not in the presence of my enemies. Even your wedding, you don't want your enemies to come to attend. Mais tu vas dire non, pas au milieu de mes adversaires, parce que même pendant ton mariage, tu ne veux pas que les ennemis viennent assister à ton mariage. Is it not true? C'est pas vrai? Even your funeral. Même à ton funérail. You don't want your enemies to come and see you. Tu ne veux pas que les ennemis viennent regarder ton visage. But God knows why. Mais Dieu, il sait pourquoi. Yes. Oui. There are so many devils. Il y a plusieurs diables. All over. But partout. He's leading you. Il te dirige. They are there. Ils sont là. One time, une fois, I went to a certain country. Je suis allé dans un pays. And I was sitting in the hotel room. J'étais assis dans la chambre d'hôtel. And suddenly, soudainement, I saw a man sitting in the room. J'ai vu un homme assis I dans tell la you, chambre. He was on one of the chairs. Il était assis sur une des chaises. Look, I felt that maybe somebody has been killed in that room before. Je sentais comme si quelqu'un a été tué dans la chambre, peut-être une fois. Yeah. Oui. But he was there. Mais il était là. Whilst I was there. Quand j'étais là, il était aussi I là. I saw it the day before I left. Vous voyez, le jour avant de quitter, and je I'd l'ai been vu. There. And every day I couldn't sleep. Et j'ai été là pour des jours. Et every day I wasn't happy there. Je ne pouvais pas dormir, je n'étais pas content dans la chambre. Yeah. Oui. Every day I wasn't happy there. Tous les jours. I was not happy in the room. Je n'étais pas content dans la chambre. In the presence of my enemies. Au milieu de mes adversaires. You will prosper bien. Yeah. Tu vas prospérer. Thou anointest my head with oil. Tu oues ma tête d'huile. God is always anointing you. Dieu te oue toujours. As I'm speaking these blessings over your life. Alors que je proclame ces bénédictions sur ta vie. The Bible says, and the Spirit entered into him. La Bible dit, et l'Esprit est entré en lui. When he spoke to him. Alors qu'il parlait. Receive the anointing on your life. Recevez l'onction sur ta vie. Amen. Amen. Every time I'm speaking the word to you. À chaque fois je proclame les paroles. It says, and the Spirit entered into him. La Bible dit, et l'Esprit est rentré en lui. Entered into him. L'Esprit est rentré en lui. Spirit entered into him. L'Esprit est entré en lui. Spirit entered into him. L'Esprit est entré en lui. Bible says, while yet Peter spake these words. Alors que Pierre parlait. The Holy Spirit fell. Le Saint-Esprit descendu. On all who were hearing. Sur tous ceux qui attendaient. Receive the anointing as recevez l'onction alors que tu entends. Receive the anointing as you are hearing. Recevez l'onction alors que tu entends. Receive the anointing as you are hearing. Recevez l'onction alors que tu entends. Yes. Yeah. It's not only when you are listening to a message. Ce n'est pas quand as I'm preaching. Alors que je prêche. The oil is dropping. L'huile en train de tomber sur toi. You are becoming more anointed. Tu deviens plus sûr. Why do we need anointing? Pourquoi est-ce que tu as besoin de l'onction? It is the anointing that breaks the yoke. C'est l'onction qui brise le joug. As you receive more anointing. Alors que tu reçois plus d'onction. The yokes. Les jugs. Of devils. Des diables. Are broken in your life. Sont brisés dans ta vie au nom de Jésus. One of the ways demons also go out is by laying on of hands, surprisingly. Un des moyens les démons sortent, c'est l'imposition des mains Au nom de Jésus-Christ. The woman who was bent over. La femme qui s'est courbée. For 18 years. Pour 18 ans. Jesus said, "Woman, thou art loose." Jésus a dit, femme, tu es libérée. And he laid his hands on her. Et il a imposé sa main sur lui. There. Oui. Super. And that evil spirit went et out of her. Le mauvais esprit est sorti d'elle. Every time you make physical contact with the anointed, chaque fois tu as un demons contact are going physique, out of your life in the les choses sortent de ta vie au nom de Jésus-Christ. Surely, certainement, goodness, badness, no. Bad news, no. You will not hear bad news. Il a dit oui. Le bonheur et la grâce. Every phone call with bad news. Tout appel de mauvaise nouvelle. Coming towards your direction. Qui vient dans ta direction. In the name of Jesus, it is blocked in Jesus' name. Au nom de Jésus, c'est brisé. Every WhatsApp message. Tout message de WhatsApp. Is having a bad news. Avec in the name souverain. Of Jesus, I block it from your life. Au nom de Jésus, je le brise de toi. Au nom de Jésus. Every text message that is targeting you with bad news, in the name of Jesus, I block it. Tout texto qui a cible comme toi, avec des mauvaises nouvelles, je le bloque au nom de Jésus Christ. Every family meeting with people sitting around to inform you of something bad. In the name of Jesus, I cancel that meeting from your life now. Toute réunion de famille, les gens se sont assemblés pour t'apporter de mauvaises nouvelles. Je les annule au nom de Jésus Christ. He says, surely, il a dit, oui, goodness, le bonheur, mercy, et la grâce, shall follow me, m'accompagneront. I declare you are no more followed by demons. Je déclare que tu ne seras plus suivi par des démons. You are being followed by goodness and mercy. Tu seras suivi par le bonheur et la grâce. Yes. Oui. Yes. Oui. One day, un jour, Kenneth Hagin, he had a vision about his son Buddy Harrison. Il avait une vision de son fils Buddy Harrison, his son-in-law. C'est son beau his fils. Only daughter's husband. C'est la seule fille qu'elle est. And son he mari. Saw three dogs following him. Et il a vu trois chiens en train de le suivre. Yes. Oui. And he said in Jesus' name. Il a dit au nom de Jésus. He plucked those dogs. Et il a menacé. He said the man couldn't have a job. L'homme he couldn't work. He couldn't be a serious Christian. Everything he couldn't do it. Il ne pouvait pas avoir un travail. Il ne pouvait être un chrétien sérieux. Il ne pouvait rien faire. He had that vision. Jusqu'à ce qu'il a eu and cette vision. Dogs, three of them. Il a vu trois chiens en train de le suivre. Whatever animal is following you today, in the name of Jesus, I swipe them from that place in Jesus' name. Tout animal qui te suit, je le balance au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. One day, un jour, we were having a prayer meeting. On avait une réunion de prière. And I told the people, je dis, to write down three devils that are following them. J'ai dit à ceux qui étaient là de écrire trois diables qui les suivent. The reason why I told them, la raison pour laquelle je les ai dit ça, because God has shown me seven devils that have been following me. Parce que Dieu m'avait montré. I had their names. I've written down their name one by one by one. Seven of them. Parce que Dieu m'avait montré sept diables qui me suivaient et je les ai écrit les noms un par un par un par un. And I've been binding them. Et je suis en train de les lier. Binding them. Je les lis. Binding them. Je les lis. There are some people when I speak to them. Certaines personnes quand je parle à on the phone, I only bind devils. Sur le portable, je lis seulement les diables. When I speak, hello, are you there? Okay, let's pray. In the Kadabashala, we bind. Because I have an agreement in the spirit with the person. to bind devils. Il y a certaines personnes quand je les appelle. Particular devil. Yeah, allô, tu es là. Dès que je commence à parler, je lis les diables, les diables. As soon as I speak to them, I know we start. Oh, well, well, well, as if we are mad. Dès que je appelle, on commence à prier comme si nous sommes fous. How is this? How is the, how are their children? How is it? No. Il n'y a rien comme comment ça va les enfants et ton épouse. Dès que j'appelle, on commence. You are a mighty spiritual warrior from today. Tu seras un guerrier puissant spirituel au nom de Jésus-Christ. Lift your hand and start binding any devil that are following you in your life, élevez in your ministry, in your family, in your marriage, commence in your children, in your life, in the name of Jesus. Liez les démons, les démons qui dérègent ta famille, tes enfants, ton épouse, ton ministère, au nom de Jésus. Qui soit maudit. Qui soit maudit. Qui soit maudit. disconnect myself from demonic presence, demonic forces. Je le maudis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Mando makabere le mono mosila la baba le bebe. Jesus, we give you praise. Disconnection from demonic powers. Disconnection from demonic forces. Disconnection from animal spirits. Disconnection from marine spirits. Disconnection from monsters. Disconnection from scorpions. Disconnection from all animals. La disconnection de tout mauvais esprit. Déconnexion de l'esprit de méchant. Déconnexion de l'esprit de serpent. Déconnexion. Déconnexion. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh oui. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hand and thank God for his blessing. Élevez les mains, remerciez Dieu pour sa bénédiction. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. You may be seated. Veuillez vous asseoir. Demonic operations and maneuvers. Les opérations démoniaques et des manœuvres. Number one. Numéro un. Demonic oppression. C'est l'oppression démoniaque. Acts 10:38. Acte 10. God anointed Jesus of Nazareth. Dieu a envoyé Jésus de Nazareth. Who went around doing good and healing all that were oppressed. Of the devil. De lieu en lieu qui faisait du bien et guérissant tu étais les gens qui étaient sur l'emprise all de l'ennemi. All forms of sickness. Toute forme de maladie. Are demonic oppression. Ce sont des oppressions démoniaques. All sicknesses. Toutes sortes de maladies. Jesus healed all that were oppressed of the devil. A guéri tous étaient sur le prime de l'ennemi. Any sick, malaria, le paludisme, skin rashes, même les pimples. Les boutons de stomach, visage, la diarrhée, stomach pain, les maux de ventre, bleeding too much, les saignements, all. Toutes ces choses. It says Jesus went healing all that were oppressed. Jésus allait oppressed. Guérissant tout était sous l'oppression, ils étaient opprimés. That is why every sickness causes pressure in your life. C'est pourquoi toute maladie cause la pression sur ta vie. From today, à partir d'aujourd'hui, whatever sickness is in your life, you are healed from demonic oppression in Jesus' name. À partir d'aujourd'hui, toute maladie dans ta vie, tu es sauvé, délivré au nom de Jésus, oppression démoniaque. Number two, demonic possession. Numéro 2, c'est la possession démoniaque. And they came to Jesus and see him that was possessed with the devil. Et voyant Jésus avec celui qui était possédé des diables. And had the legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. Celui qui avait les légions assis dans son bon sens et bien habillé, ils avaient peur. Demonic possession is the cause of mental illness. Être possédé par des démons, c'est la cause des maladies mentales. Especially schizophrenia. Comme la schizophrène, bipolar syndrome, schizophrène, madness, comme la folie, it's demonic possession, they ça, own you, c'est toi qui es le propriétaire, the demon owns you, c'est eux qui possesses you, il te possède, Because once you don't have the mind, you don't control the person. Parce que quand tu n'as pas le cerveau, bien l'esprit de la personne, tu peux pas le contrôler. Because your mind is not under the control of the devil. That's why you took the decision to come here. Parce que ton esprit, tes pensées ne sont pas sous le pied de diable. C'est pourquoi tu as pris la décision de venir ici. If your mind was, you see, your a part of your body may be sick, but your mind is working. So your mind says we are going to church. Une partie de ton corps est malade, mais ton cerveau, l'esprit, ça marche. Donc, il dit, on part à l'église et tu pars à l'église. So one of the second maneuver or operation of devils, demons, is to possess you. Donc, la deuxième opération des démons, c'est de te posséder. You will never be possessed by a devil. Tu ne seras jamais possédé au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Number three. Numéro 3. Demonic seduction. La séduction démoniaque. Demonic seduction. La séduction démoniaque. 1 Timothy 4, verse 1. 1 Timothée 4, now 1. The Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. Il dit dans les doctrines of devils. Dans les derniers temps, l'esprit dit que dans les derniers temps, les gens seront séduits par les démons et les doctrines des démons. Seducing. Les esprits qui séduisent. Seducing means to have a belief that is not true and to charm you to believe something that is not right. I've been seduced. Être séduit, ça veut dire croire dans quelque chose qui n'est pas vrai, ou bien être charmé pour croire dans quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Eve was seduced. Eve était séduite. She was wrapped by Satan. Elle était séduite par Satan. He did not oppress her. Satan ne l'a pas opprimée. He did not possess her. Satan n'a pas possédé. He seduced her. Il l'a séduit. And deceived her. Il l'a trompé. Some men that come to you. C'est un homme qui vient vers toi. Seduce you. Il vient te séduire. Many of you here have been seduced before. Beaucoup ici ont été séduits par les gens. Before you realize you were doing the second abortion with the same man. Avant the same man was seducing again, and you are still going for. And you know he will not marry you, but you sort of believe. Avant que tu ne te rendes compte, tu étais sur le point de faire deuxième avortement avec le même gars qui t'a enceinté premièrement, et tu ne savais pas qu'il était en train de te tromper. Demonic seduction. Ça c'est la séduction démoniaque. In Israel. En Israël. When God had had enough of King Ahab. Quand Dieu en avait marre de le roi Achab. He said, who in 1 Kings 22 verse 20, who shall persuade Ahab? Who will persuade Ahab? Premier roi 17 20, il dit qui va persuader Ahab to go up to Ramoth Gilead and fall there? Aller à who will persuade Ahab? Afin qu'il tombe là-bas, qui va le persuader? And there came forth a spirit. Et il vint un esprit. And said, et dit, I will persuade him. Je vais le persuader. I will persuade je him. Vais le persuader. Le roi, je vais le persuader. A spirit. Un esprit. Demonic seduction. C'est la séduction démoniaque. And you see that it happens slowly. Et ça se passe lentement. You are not going mad. Tu ne deviens pas fou. But you are gradually believing something that is not true. De manière lentement, tu crois dans quelque chose qui n'est pas. An evil spirit, that's one of their activities. Said, I will go and advise him and persuade him to go here where he will die. C'est l'une des activités des whatever démons. Whatever is seducing tout you ce que today, te séduit. And deceiving you qui in te your life trompe today. Dans ta vie aujourd'hui, au nom de Jésus Christ, I rebuke that seduction. Je menace cet esprit démoniaque. Hey. Demonic manoeuvres and operations. Je parle de number four. Opérations démoniaques et des manœuvres. Numéro demonic quatre. Employment. Être employé démoniaque. Emploi. Demonic employment. L'emploi démoniaque. This is when Satan employs or deploys you momentarily ça, c'est to quand, do something. Quand Satan il t'embauche ou bien il te déploie de manière momentanément pour faire quelque chose. Momentané. And uses you. Et il va te utiliser as a Christian. En tant que chrétien. For a short time. Pour un moment très court. And you return back to your Christianity. Après, tu reviens dans ta vie chrétienne. It's called demonic employment. C'est ça, c'est qu'on appelle l'emploi démoniaque. Or demonic deployment. Ou bien le déploiement démoniaque. Hey. Matthew 16. Matthieu 16. Then Peter took him, the apostle. Et Pierre l'apôtre le prend. And began to rebuke the Son of God. Commencer à menacer le Fils de Dieu. Saying, disant, be it far from thee, que Lord. Ça soit éloigné de toi, this Seigneur. Shall not be unto thee. Ceci ne va jamais se passer. But he turned and said unto Peter, se tournant et dit à Pierre, get thee behind me, Satan. Arrière de moi, Satan. Thou art an offense unto me. Tu es un scandale. For thou savorest not the things that be of God. Tu ne penses pas aux choses de Dieu. But those that be of men. Intéressé dans les choses des hommes. So for a moment. Donc pour un moment. Peter was used by Satan to speak to Jesus. Pierre a été utilisé par Satan pour parler à Jésus. So you may be married to a Christian man or a Christian woman. Tu peux être marié à un homme chrétien, une femme chrétienne. Or you may have a Christian pastor as your associate. Ou bien un pasteur chrétien qui est ton associé. But he may be demonically employed for just a moment. Peut-être il a été employé par des démons pour un moment. To say certain things. Pour dire certaines choses. Or do certain things. Ou bien faire certaines choses. For a moment. Pour un moment. And you can see that Satan has taken over. Et tu vois que c'est Satan qui a pris contrôle. Then he comes back to normal. Et puis il revient. Many people don't know about demonic employment, transient employment. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de cet emploi démoniaque transient. That is why when their spouses or their children or their associates or other people are temporarily being used, they are Christians anointed. Like Peter was anointed. He was appointed as the head of the church before this. He was appointed by 6 verses then this one happened. Pierre était un, il était élu, nommé en tant qu'apôtre, mais dans quelques versets, Satan a commencé à l'utiliser. The Bible warns that wives can be demonically employed. La Bible nous avertit que les épouses peuvent être employées de manière démoniaque. 1 Timothy 3:11 says, even so, their wives, that's the pastor's wives, must be grave, not devils, not diabolos. La Bible dit not Satan. 1 Timothée 3:11 que les époux des pasteurs doivent être sobres et ne doivent pas être des diables. The one who wrote it, I'm sure he was married, so he couldn't write. Celui qui avait devil. Traduit ça, je suis sûr qu'il était marié, donc il n'a pas traduit ça comme il faut. And then older women can also be used deployed. Les femmes anciennes aussi peuvent être déployées. It said in Titus 2:3, aged women must likewise in behavior be holiness, not as becometh holiness, not false accusers or not deaf diabolos. Vous voyez? The Greek word is diabolos, the same Satan. And you see that older women are more unhappy than younger girls. Vous allez voir que les femmes plus âgées ne sont pas contentes comme les filles jeunes. Et la Bible dit qu'il ne doit pas être médisante. Et le mot médisante en grec, c'est diabolos. Ce qui veut dire que Satan, diable. That is why men go for small girls who are looking more cheerful and happy. C'est pourquoi les hommes cherchent des filles, des jeunes filles qui sont excitantes et très contentes. Because the older ones look more grumpy and angry, always not happy, always with a face. Parce que les femmes anciennes âgées, toujours en train de murmurer avec visage froissé et foncé, pas content. True or not true? C'est vrai ou c'est pas vrai? Even you ladies, you don't like to be employed by a lady. You don't want a woman to be your boss. Même vous les femmes, vous ne voulez pas qu'une autre femme vous donne les emplois pour vous employer. Because when she's temporarily employed by Satan over you. Parce que quand elle sera de manière temporaire employée par Satan sur toi. And she's speaking as Satan over your life. Et elle commence à parler comme Satan sur ta vie. You can't take it. Tu ne peux pas supporter. Hey. Are you still here or you are leaving? Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes en train de partir? The first one is what? Demonic what? Premier c'est quoi? Demonic oppression. Oppression démoniaque. Number two is what? Deuxième. Demonic possession. Number three is possession what? Démoniaque. Troisième. Demonic seduction. La séduction démoniaque. Quatre. L'emploi démoniaque. Number five is demonic entrance. Cinquième, c'est l'entrée démoniaque. Oh là là. Oh là là. Luke 22, verse 3. And then Satan entered into Judas. Luke 22, 3. Et Satan est entré en Judas. Being of the number of the 12. Étant parti de 12. Yes. Oui. Matthew 12, 45. Matthieu 12, 45. Then goeth he and taketh with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter in. Et il prend encore sept autres esprits in. Qui sont plus méchants que lui, et il entre dedans. Demonic entrance. Ça, c'est l'entrée démoniaque. It enters the person. Il entre dans la personne. No demon will enter you till you die in Jesus' name. Aucun démon ne peut entrer en toi jusqu'à ce que tu meurs au nom de Jésus. Demonic entrance causes people to betray their fathers, betray their pastors, turn again. Because when the devil entered into Judas, that's when he turned against Jesus. L'entrée démoniaque. So disloyalty is caused by demons entering into people. Non, l'entrée démoniaque, c'est ça qui pousse les gens à trahir les autres. Quand il est rentré en Judas, il a trahi Jésus. C'est les démons qui entrent et les gens deviennent déloyaux. You may be seduced for some time, but when the devil enters you, then you see that you are actually selling the one who has cared for you. And appointed you. Tu peux être séduit you pour un moment. Him for 30 pieces of silver. Tu peux être séduit pour un moment, mais maintenant, quand il y a l'entrée démoniaque, tu commences à vendre la personne et tu vas vendre ton propre pasteur pour seulement 30 pièces d'or, l'argent. What bad thing has Sister Simone done for you, done against you? Quelle est la chose? It's only when Satan enters into you that you will now turn against her or against Bishop Paul or against any of the pastors, or you turn against one another, is when there has been an entrance. It enters. Ça entre. It enters. Ça entre en toi. Ça entre. And Satan entered into Judas. Et Satan est entré en Judas. That is why today nobody calls his child Judas. C'est pourquoi aujourd'hui personne ne nomme son enfant d'après Judas. Number six. Numéro six. Demonic deployments or assignments. Le devoir démoniaque ou bien déploiement démoniaque. Demonic assignments. I'll use the word assignment. Je vais utiliser le mot devoir. A devil is assigned to you. Quand un démon a été envoyé contre toi. Hey. Assigné contre toi. Demonic assignment. C'est des voies démoniaques. Paul experienced it in a terrible way. Paul a expérimenté ça dans une manière terrible. He said, a messenger of Il a dit, Satan. Un messager du diable. Has been given to me. M'a été donné. To buffet me. Pour me bastonner. Hey. 2 Corinthians 12, verse 7. 2 Corinthians 12, 7. He said, I was given a messenger of Satan to buffet me. Then he says, for this thing, I sought the Lord three times so that it should depart. You see, he wanted the thing to go. Il voulait que la chose, ça quitte, ça le quitte, mais ça ne partait pas. was assignment. C'était un esprit en devoir. Envoyé. You see, and you may say, is God using the devil? The devil is mindless. Écoutez, le diable, il That's ne why réfléchit they, pas. They fight each other. C'est pourquoi eux-mêmes entre eux ils se combattent. As much as they fight us. Alors qu'ils nous combattent. If you give the devil a chance, you just start killing. That's why they killed Jesus. Si tu donnes le diable une petite chance, il va tuer tout le monde. C'est pourquoi ils ont tué Jésus. Yeah. Oui. Mindlessly they will kill every good thing. Ils ne réfléchissent pas. Ils tuent tout ce qui est bon. Ils vont tuer ça. Another person who experienced a terrible demonic assignment is Job. Une autre personne qui a expérimenté un mandat, un devoir terrible de Satan, c'était Job. The Lord said, "Have you seen my servant Job?" L'Éternel a dit, "Est-ce que tu as vu mon serviteur Job?" Hey. Have you seen my servant Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? And he said, et il a dit, but you have protected him. Mais tu l'as protégé. You have built a hedge around him. Tu as construit une brèche autour de lui. Put forth thy hand. Ôte ta main de lui. And he will curse you. Et il va te maudire. So the Lord said, Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. So he was given a limited. Donc Satan était donné un accès limité, an assignment, et un devoir. Up to here, but not to here. Jusqu'ici et tu ne veux pas dépasser. Wow. Amen. And the last one, demonic mixing, mixture. Et le dernier c'est mélange démoniaque. Demonic mixture. Mélange démoniaque. Un mélange démoniaque. Genesis 6. Genèse, verse 2. Genèse 6, verset 2. Then the sons of God saw the daughters of men that they were fair and took them wives of all which they chose. Les fils de and Dieu. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man. For that he is also flesh, yet his days shall be 120 years. And there were giants in those days. After that, when the sons of God came in or had sex with the daughters of men and bare children to them, and the same became the mighty men which were of old, men of renown. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et il en fut de même auprès que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants, et ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Three products of demonic mixture, that is, demons having sex with spirits. Having sex with human. Les trois produits de ce mélange démoniaque, ça veut dire les esprits des démons avoir des rapports sexuels avec les êtres humains. Produce three creatures. Ça produit trois créatures. Un, trois. Sem, S-E-M. S-E-M. Which is translated in the King James, men of renown. C'est ce qu'on famous appelle people. Sem. Many famous people are partly spirits. Les gens fameux sont des gens de manière sem. Oui. Then, Gibor. Il y a aussi Gibor. These are became mighty men. That's the Gibor. C'est eux qui sont devenus des grandes personnes, des grands hommes. And then, third, troisième. Nephilims. Nous avons les Nephilim. Which are giants. Les Nephilim, ce sont les géants. Now, yes. Somebody said, well, I don't believe that a spirit can have sex with a man now and produce any child. By the way, Jesus Christ is a product of a spirit and a man. Quelqu'un dit, moi je ne crois pas un esprit qui couche avec un homme, mais Jésus Christ était un produit d'un esprit avec un être humain. I know you wouldn't want to think about that, but yeah. Jesus Christ is a product of the spirit and a man. Je sais que tu ne veux pas penser à cela, mais Jésus-Christ Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit et être humain. And Mary. Et Marie. produce Jesus Christ. C'est les deux qui ont produit Jésus. These three types of creatures. Ces trois types de créatures. You see, I'll show you pictures of them. Je vais vous montrer les photos des créatures. The giants are gone because they are easy to kill. Les géants ne sont plus parce que c'est facile à les tuer. It is not easy to be a giant. Ce n'est pas facile à être géant. That's one of the reasons why we are breaking into Mission International. You see, dinosaurs don't exist, but lizards exist. Spiders exist. Les dinosaures n'existent pas, mais les araignées, les lézards existent aujourd'hui. Yeah. Oui. You see, when you are a giant, quand tu es géant, you are bigger than people, but you are easy to attack. Tu es plus grand parmi les personnes. There les used gens. To be a giant in Ghana. All every country has known giants. Il y avait un géant au Ghana. Chaque pays a un géant connu. Every country chaque pays in the world has dans le monde, il y a un géant connu. And every country in the world has a story of a flood. Et chaque pays dans le monde a une histoire de l'inondation that drowned them. Qui les avait noyés. Yeah. Oui. So that is another meeting, another topic. Ça aussi, so, c'est un thème différent. Just as an introduction, ça, these are the demonic maneuvers and operations. So, introduction des manœuvres des démoniaques. Sometimes you are going to have sex with somebody, but he's a spirit. Des fois, tu fais rapport sexuel avec quelqu'un, mais la personne est esprit. One day, un jour, one of my church members closed church on Thursday. Un des membres de mon église après le culte le jeudi. And there was a young girl. Can I have a lift? Une jeune fille qui a dit, est-ce que tu peux m'aider à aller chez moi à la maison? She said, so as she was driving, I said, can I have a lift? She said, yes. Sit down. Elle conduisait sa voiture. La jeune fille a dit, je vais aller quelque part. Donc, assieds-toi dans ma voiture, je vais te déposer. Thursday evening. Jeudi soir. She sat at the back. La fille s'est assise derrière. Alors qu'elle conduisait, she said, ah. Elle disait, the girl is very quiet. La fille est trop calme. When she turned back, elle s'est tournée. Far. Elle n'est même pas allée loin. When she turned back, she was not in the car. Elle s'est tournée. La fille n'était pas dans la voiture. Yes. She oui. Vanished. Elle avait disparu. And I tell you, je te dis, this lady was a lawyer. Cette she femme, was frightened. Elle était avocate. Elle a eu peur. To her nonsense degree. Jusqu'à un degré illogique. Me. I had to leave the church. Elle m'a appelé. Je devais go to her quitter house. L'église pour aller chez elle. I went to the house. Je suis allé chez elle. She showed me the car. Elle m'a montré la voiture. We opened the car. Elle a ouvert la voiture. All the doors. Elle a ouvert les portes. Nobody. Il n'y a personne. She was in the car. Elle était dans la voiture. She vanished. Elle a disparu. She didn't open the door. She just disappeared. Elle n'a pas ouvert aucune porte. Elle took her from the church. Et je l'ai pris de l'église. And you see, when the Holy Spirit is leading you, he will say, no, don't step here, step here. Quand le Saint-Esprit te dirige, il va dire, ne pas passer. So this one has a big. Tu vas dire, mais celle-là, elle a Bombos. Des grosses fesses. Oui, des grosses fesses. This one has a big bonbons. Celle-là, elle a des grosses bonbons fesses. Hey! Before you realize, you are sleeping with a spiritual being. Avant que tu ne te rendes compte, tu seras en train de coucher avec un être spirituel. Today marks the end of all foolish escapades with evil spirits. Aujourd'hui, stand to your feet and give the Lord a shout and clap. Lève-toi, crie à l'Éternel, acclame le Seigneur. All right. D'accord. Glory to God. Gloire à Dieu. How many of you sense that you are overcoming demonic powers? Combien voient que vous êtes en train de surmonter les These puissances démoniaques? These are all manoeuvres of Satan. Ce sont tous les manœuvres de Satan. You must know about it. Tu dois les connaître, savoir. If you are going to do well. Et tu vas réussir. In the Lord. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Lift your hands. Élevez les mains. Thank God for deliverance. Remercie Dieu pour la délivrance. Father, we thank you for the blessedness of your holy word. Merci pour la bénédiction de ta parole qui a été révélée à nous, le monde spirituel. Granting us victory over demonic oppression. Tu nous as donné la victoire sur l'oppression démoniaque, possession démoniaque. Demonic assignments. Les devoirs démoniaques. Demonic seduction. Les séductions démoniaques. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. All kinds of demonic. Tout genre. Entrances to our lives. Des entrées démoniaques dans nos vies. Are blocked from today. Sont bloquées au nom de Jésus. Thank you that you are empowering us. Merci parce que tu es en train de nous donner la puissance. A mission international Jésus qui guérit. Comme mission internationale Jésus qui guérit. To do well. Pour faire bien. And to overcome. Pour surmonter. All that we are going to meet. Tout ce que nous allons rencontrer. As we go out there. Quand nous allons sortir d'ici. We give you praise. Nous te donnons la gloire. We give you thanks. Et te donnons. We give you glory, Lord. Te donnons la gloire, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated. Hallelujah. Veuillez vous asseoir.